ressemblent à rien. Merci le fantin, tu redeviens quelqu'un. T'es star au lycée, t'es la plus aimée. T'as toujours plein de potes quand on vole à ta culotte. Mais regarde-toi, tu te la pètes. Tu devrais pas, vu ta tête. Mais regarde-toi, tu te la pètes. Tu devrais pas, vu ta tête. Français, ton prof voit tes seins, rien de mieux pour mettre un vin. Tu crois que t'as la classe, regarde-toi dans une glace. Avec tous ces strass, t'es rien qu'une grosse pétasse. Mais regarde-toi, tu te la pètes. Tu devrais pas, vu ta tête. Mais regarde-toi, tu te la pètes. Tu devrais pas, vu ta tête. Tu devrais pas.